J'aimerais appeler à la Fondation Jasmin Roy pour dénoncer un cas grave d'intimidation. C'est drôle, alors qu'on fait la morale aux enfants concernant l'intimidation dans les écoles, les plus grands intimidateurs et les plus gros bullies de la société québécoise, pas des enfants, des adultes. Quand les adultes du Québec se décident, tous en même temps, de dénoncer quelqu'un... De se trouver une tête de turc, là. De se trouver une tête de turc, que la personne a été intelligente ou pas, que la personne ait commis un geste intelligent ou pas, quand on se décide qu'on fesse sur le même matricule en même temps, ah là, tout est permis. Là, on peut dire que c'est une grosse butch. Là, on peut dire qu'elle est lette. Là, on peut dire qu'elle est grosse. Là, on peut dire qu'elle est niaiseuse. On peut dire qu'elle est conne. Hey, là, on se garde. Le Québec peut. Nous autres, on fait des leçons d'intimidation à nos enfants dans les écoles. Ça m'a tout le temps fait rire, là. Commençons par donner l'exemple. C'est encore un policier qui est au centre d'une histoire d'intimidation. Mm-hmm. Un policier qui a fait son travail une journée où le travail qu'on lui demandait était particulièrement difficile. Je vous l'ai souvent dit qu'à Montréal, j'aimais plus ça y aller, parce qu'entre autres, quand je me promène sur Sainte-Catherine, je croise des gens qui se parlent tout seuls et qui donnent des coups de poing dans le vide. Des gens qui ont pas toute leur tête, qui devraient être, dans des institutions. Encadrés, oui. Encadrés. Des gens qui s'occupent d'eux, qui leur donnent des vrais bons soins. Médicamentés. Oui. C'est des dangers pour eux-mêmes, c'est des dangers pour la société. Parce que notre société manque à peu près tous ses devoirs, autant dans le système de santé que dans le système d'éducation que dans le reste. Ben, des gens qui devraient être en institution, se ramasse en boxeur dans la rue à vouloir fesser du monde pendant la semaine du temps des fêtes. Ça se passe à Montréal. Raconte-nous. Ça s'est passé le 2 janvier dernier suite à différents appels de population. En fait, on parle de 4 appels au sujet d'un sans-abri qui avait fait preuve de violence, qui était peut-être à risque. Il y a un policier qui sera sur place dans le secteur du métro Jean Talon. Et il y a une vidéo qui s'est mise à circuler dans les heures qui ont suivi parce que le policier en question qui s'obstine avec le sans-abri lui dit « Si tu te calmes pas, je vais t'attacher après un poteau pendant une heure. » On peut en entendre un bout, là. C'est pas nécessairement audible, puis c'est pas la qualité haute définition, là. Mm-hmm. Mais voici un extrait de ce qui s'est passé, qui a été filmé à partir d'un téléphone intelligent et d'une personne qui portait le téléphone qui l'était manifestement moins. Si c'est agressif, on veut un autre appel, on le pense, c'est agressif, c'est injuste, là. Ça arrête d'être... Tu vas t'installer calmement, tu vas rester au chaud. Si tu veux rester au chaud, là, tu vas le voir faire ça. Parce que là, il y a 4 personnes qui nous ont dit que tu étais agressif, tu t'insistais à avoir la tente. On n'existe pas. Il ne faut pas que tu te donnes l'argent. Peut-être que tu as un autre appel au départ pour toi, tu as caché une heure après le poteau, puis tu te le jures. Regarde-moi dans les yeux, tu te le jures, tu t'attaches après le poteau pendant une heure. Vous savez que c'est des menaces que vous n'avez pas le droit de faire, monsieur? Hey, de quoi il Quand parle? J'ai entendu le grand génie de l'île au génie à la fin de cet extrait-là jouer au justicier des pauvres, le Robin des BS, pas le Batman, le Robin, le gars en speedo vert avec des collants jaunes, là. Oh, monsieur, est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que Montréal est tombé sa tête? T'as plus le droit de faire ta job si t'es policier à Montréal. Quand on est rendu à glorifier des imbéciles qui courent après les polices avec le téléphone pour essayer de les prendre en défaut. Surtout que dans cette histoire-là, puis ça doit être le virus du carré rouge là qui s'est installé entre les deux oreilles puis qui font que la police là s'est rendue là, l'antéchrist, là, à Montréal. La police a fait sa job. La police est à bout de nerfs. La police a à gérer un cas de problème mental. Un gars qui est dangereux pour lui, qui est dangereux pour les autres. Est-ce qu'il a pris la meilleure décision? Est-ce qu'il l'a fait de la meilleure façon? Peut-être pas. L'auriez-vous fait, vous autres? Le tweet qui tenait le téléphone, là, comment il l'aurait géré? Le débile en boxeur qui voulait battre du monde. Parce que c'est ça, le sans-abri en question, c'est un homme qui souffre de graves problèmes de santé mentale. Il est en choc, il était pas Je le connais. Je le connais parce qu'à Montréal, je le croise souvent. Il est tout le temps dans ce coin-là. Et puis, c'est pas une image que je vous fais. Quand je vous parle du gars qui se parle tout seul puis qui donne des coups de poing dans le vide, là, c'est lui. C'est lui, salut, salut. C'est lui, salut. Lui, là, le soir, sur Sainte-Catherine, une fois sur deux, vous allez le croiser. C'est tout le temps le même gars. Il est tout le temps habillé pareil. Il a tout le temps la même face. Tout le monde le connaît à Montréal. Mais on le laisse fesser dans le vide. On le laisse être dangereux. Je l'ai vu se faire repousser une couple de fois, là. C'est un gars qui ne comprend rien. C'est un gars qui a pas d'affaires dans la rue. Qu'est-ce que tu fais avec un gars qui comprend rien? Qui se raisonne pas. Qu'est-ce que tu fais? T'sais, le policier, il l'aurait pas fait, le menotté. Il y a pas un parent au Québec qui a déjà utilisé une menace qui était pas vraie pour que son enfant comprenne quelque chose. Hey, ma mère a tellement dit souvent, je vais sortir la cuillère de bois. Elle l'a jamais fait de sa vie. Moi, je suis le gars qui sait tout à Montréal. C'est pas de la violence pis de l'intimidation que t'es en train de faire, là. Imbécile. Tu sais, t'entends le ton du policier qui tente de raisonner quelqu'un qui est pas raisonnable. C'est impossible. C'est parce que je pensais à ça là, dans le temps des fêtes, puis je me retiens parce que je sais qu'à Montréal, tous les gens ne sont pas comme ça. Mais c'est une minorité qui est de plus en plus nuisible, de plus en plus violente, de plus en plus intimidante. Puis c'est des gens qui s'expriment beaucoup hein, sur Internet, puis dans les médias, puis tout ça. Puis on a l'impression qu'ils sont bien nombreux, alors qu'au total, ils sont une dizaine de ploucs, là. Mais je me disais, ce gars-là, là, ce qu'il mériterait, là, c'est plus de police. Tu prends toutes les polices, là, tu ramasses les matraques, tu ramasses les tasers, tu ramasses toutes. Tu laisses les Villanueva jouer sur le trottoir. Tu laisses ce gars-là fesser tout seul. Tu quittes. Démardez-vous. Vous en voulez plus de police? On va y ramasser. Démardez-vous. Comptons le nombre d'heures avant que vous appeliez l'armée. Ouais. C'est rendu qu'une police peut plus faire sa job. J'espère qu'on ne deviendra jamais de même à Québec. Ça me fait peur. Tu sais, la ville grandit, puis la criminalité va grandir avec ça aussi, c'est normal. On nous dit qu'actuellement, c'est pas stressant dans la région de Québec, mais veut pas, on a une économie qui est plutôt florissante, plutôt intéressante, fait qu'éventuellement, il y a des gens qui vont vouloir en profiter. Est-ce qu'on va être en mesure de réagir? J'espère bien, puis j'espère qu'on sera pas assez cave pour dénoncer leur travail. C'est rendu qu'à Montréal, des policiers sous le couvert de l'anonymat me disent « on peut plus faire notre job avec des Noirs ». Parce que dès qu'il y a des Noirs d'impliqués, on sait d'une part qu'on se fait filmer et d'autre part qu'on va se faire traiter de raciste si on fait certaines choses qu'on va faire lorsqu'on va arrêter quelqu'un de blanc. Moi, je trouve pas ça normal. Je me souviens d'un reportage de merde que Radio-Canada avait fait sur la police de Québec en disant qu'ils faisaient du profilage parce qu'ils sont allés poser des questions à un Noir qui faisait 8 fois le tour du bloc en char tout seul avec de la musique dans le tapis. J'espère que si j'avais fait la même chose, avec ma barbe puis mon air louche, les policiers m'auraient aussi arrêté pour me demander et mon permis et une couple de questions. En fait, à base, là, si ce que tu fais a l'air louche, on peut-tu se donner la permission que les policiers viennent poser des questions? On a-tu le droit en tant que société d'être plus prudent que pas assez? Est-ce qu'après la journée sans voiture, Montréal pourrait inaugurer la journée sans police? Qu'est-ce que cette ville-là deviendrait? Parce que là, c'est rendu que la police, là, c'est l'ennemi, là. D'ailleurs, j'étais soulagé de voir quelques personnes à Montréal prendre la défense de cette police-là, qui a été le plus grave cas d'intimidation de l'histoire du Québec, à tout le moins de la dernière année, avant matricule je sais plus qui, là, qu'on traitait de tôt et non dans le temps des Corréaux. La 728, voyons. La 728. On passe l'année et maintenant de l'argent à dire aux jeunes de pas s'intimider dans les cours d'école. Regardons-nous agir. Regardons-nous agir collectivement. C'est rendu que les gens qui assument la loi et l'ordre, des gens qui tentent par tous les moyens de prendre des gens qui ont échappé au système parce que notre système fait pas la job, puis de leur faire comprendre qu'à moins 40 en Bermuda, à fesser sur du monde, ils sont des dangers pour eux autres, ils sont des dangers pour les autres, puis de les enlever du chemin, au lieu de les féliciter et de se faire dire merci, ils se font filmer par des ploucs et des imbéciles qui tentent de jouer au Robin des BS et au Robin des pauvres avec le téléphone intelligent. En passant, si vous vous inquiétez du sort du sans-abri en question, c'est des méchants policiers de la SPVM qui ont réussi à le localiser jeudi soir et l'ont convaincu d'aller se faire hospitaliser. Parce qu'il y a un problème grave de société derrière cette histoire-là. Pendant qu'on s'est concentré à taper sa police... Pourquoi ce gars-là, il n'y a personne pour s'occuper de lui? La désinstitutionnalisation... qui a amené beaucoup de gens avec des problèmes de santé mentale à être laissés à eux-mêmes. C'est vrai à Montréal, mais c'est vrai à Québec aussi. Allez vous promener... moi, je marche beaucoup à Québec. J'aime ça marcher, puis Québec, je trouve ça beau. Et comme les guides touristiques, moi aussi, je pense que dans le coin du Nouveau-Saint-Roch, c'est beau, puis c'est le fun. Fait que je suis tout le temps rendu là à marcher, OK? Mais des fois, tu croises du monde, là. Puis tu le vois, là. Puis c'est pas un jugement de valeur, là. Tu le vois, là. Du monde qui n'a pas toute la tête. C'est du monde qui devrait pas être dans la rue. Mais qu'est-ce qui arrive quand les bénévoles en ont par-dessus la tête à s'occuper des drogués, des junkies, mm-hmm. de ceux qui ont des problèmes de consommation, de ceux qui ont des problèmes de criminalité? À un moment donné, eux autres, là, ils en ont plein les bras. Leur cour est pleine. Ça arrive à un moment donné. On a des très beaux organismes à Québec qui dépensent beaucoup d'énergie, mais sont limités quand même dans leur capacité puis dans leur service. Il y a des gens qui sont connus des policiers. Puis quand une police arrive, puis ça fait 45 fois qu'elle intervient sur le même gars pour les mêmes raisons, allez-vous me dire que dans la même situation, vous perdriez pas patience, vous autres non plus? On perd patience pour bien moins que ça. Et moi, je sais pas comment est-ce qu'ils font les bénévoles pour traiter des personnes comme ça, puis je me questionne encore sur l'impact de toute la désince. T'sais. Tu t'en rends compte plus à Montréal parce qu'il y en a plus, il y a plus de monde, donc il y a plus de gens qui se promènent dans la rue qui devraient pas parce qu'ils ont besoin de soins, parce qu'ils ont besoin d'aide. Mais la police qui ramasse tout le temps ces personnes-là. Puis c'est vrai dans un paquet de sphères. T'sais, je me faisais raconter une histoire à s'arracher le cœur dans le temps des fêtes d'une pauvre dame qui est sénile dans un centre pour personnes âgées. Et voici sa routine. La personne est sénile au point qu'une fois sur deux, quand elle se lève de son lit, elle oublie de marcher puis elle tombe. Cette fois-là, qu'est-ce qu'on fait avec? On l'envoie à l'hôpital. On la garde à l'hôpital une journée. On la nourrit. On la torche, on la ramène dans le sang. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'a fait la madame? Toujours sénile, oublie de marcher, tombe. L'urgence revient chercher parce que le centre sait pas quoi faire avec. Et l'hôpital ramène la portée parce que l'hôpital sait pas quoi faire avec. C'est des gens qui se ramassent entre deux eaux dans notre système de santé, puis on sait pas quoi faire avec. Vous allez me dire, cette madame-là, c'est pas pire, elle a un endroit où elle reste. Ouais, peut-être. C'est loin d'être une situation idéale. Si c'était votre mère, vous verriez pas ça comme ça. Mais imaginez ce pauvre taouin à Montréal qui est dans la rue en short à moins 40 puis qui veut fesser sur du monde. C'est à la police d'intervenir parce que personne d'autre peut le faire ou veut le faire. Il y a personne qui va débarquer en disant ben on va le ramener à l'endroit où il doit être. Il y en a pas d'endroit où il doit être. Quand j'ai vu la colère montréalaise se déchaîner autour de ce pauvre policier-là, je me disais, ce que vous méritez, c'est une journée pas de police. Vérifiez, voir si les polices sont si pires que ça, puis sont si oppressives que ça, puis c'est si terrible ce qu'ils font. Peut-être que la prochaine fois, quand vous envoyez un intervenir auprès de quelqu'un en détresse, votre premier réflexe, ce sera pas de sortir votre téléphone. 8h30. La police l'a menacé de l'attacher après un poteau. On s'entend qu'il l'aurait pas fait, là. Mais non. C'est clair, là. C'est absurde. Mais comment quelqu'un peut penser qu'il tient quelque chose avec son téléphone dans les mains? Hey, je suis justicier, moi. Pire, c'est que ça a levé. Hein? Ben oui, ça a levé. Ça a levé pendant une couple de jours avant qu'il y ait quelques appels au calme. Mais moi, c'est de voir que le maire tombe dans le panneau, Denis Coderre. De voir que le chef de police tombe dans le panneau. J'en revenais pas. On dénonce le manque de jugement du policier. Personne ne parle du manque de jugement du gars qui tient le téléphone. Quoi est-ce qu'il a pas aidé, lui? Si c'est si bon que ça, si lui savait quoi dire à ce sans-abri-là qui croise à plusieurs reprises et qui, selon lui, est pas un danger, si il a la solution, hein, c'est un étudiant en sociologie, je pense, là. Pourquoi j'en ai aucune idée. Je sais pas c'est qui, puis je veux pas le savoir. Je sais très bien ce que je pense d'un individu comme ça, par contre. Là. Pas une grosse estime pour un individu comme ça. Vraiment pas. Probablement que dès qu'il y a eu son vidéo, il s'est garoché sur son iPad. En se calissant bien de ce qui allait arriver au sans-abri qui était dehors. C'est ça, du moment où il y avait la vidéo, la suite des événements, il n'avait rien à faire. Oh, il n'y a pas une police en train de faire de l'oppression. Une journée sans police, Montréal, ça vous tente dessus? Je suis prêt à cautionner ça, moi. Puis à regarder comment ça va. Il est 8h32. Chaud du matin, avec Denis Gravel et Jérôme Landry. Choix 98.1. Radio X. Hey, avant la pause, on a parlé de santé mentale, on a parlé de la désince, puis on a parlé de ce qui s'est passé à Montréal avec le policier qui a dit à un gars un peu dépourvu, qui était violent avec les gens autour de lui, qui était en boxeur à moins 40 dehors, un gars connu des policiers, un gars que je connais, je vis même pas à Montréal, puis j'ai croisé ce type-là souvent, toujours en situation dangereuse pour lui-même et pour les autres. Le policier dit, hey, là, si tu te trouves pas un abri à quelque part, si tu t'en vas pas à quelque part où on va t'aider, je te jure que je vais t'attacher après un poteau. Et moi, j'en revenais pas de voir les gens s'acharner sur ce policier-là. Puis Il y a beaucoup de réactions sur live. Je veux juste vous lire. Je vais essayer de le retrouver là, rapidement ici. Je suis habituellement d'accord avec vous autres, mais c'est rendu qu'il y a beaucoup d'abus de langage par les policiers récemment. Être policier est un privilège qui vient avec des droits et des responsabilités, dont garder un langage approprié envers les citoyens. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais un policier, on le paye pour qu'il se salisse les mains une fois de temps en temps à gérer du monde que nous autres, on veut pas gérer. Et je pense pas qu'il y a plus d'abus de langage. Je pense qu'il y a plus de téléphones intelligents. C'est ça, on s'en rend plus compte. C'est un peu comme ceux qui disent, hey, c'est terrible, hein, il y a plus de catastrophes naturelles. Non, il n'y a pas plus de catastrophes naturelles. Il y a plus de caméras. À cette heure, quand c'est dans le fin fond de l'Ouganda qu'il y a une inondation, en 5 secondes, on a des images ici au Québec. Mm-hmm. C'est ça qui a changé dans notre monde. Et c'est rendu tellement paranoïaque. Puis c'est des policiers qui me le disent, qui travaillent à Montréal, qui disent, avant une intervention, on se pose plus la question, qu'est-ce qu'on doit faire? On se pose la question, qu'est-ce qu'on doit montrer? Et ça, c'est pas normal. Puis ça, c'est dangereux pour la sécurité. Puis ça a peut-être amené des manquements, entre autres pendant les manifs de Carré Rouge.